mais dans cas ça pas les fois non à 20 dollars non comme 4 campés à 5 dollars Ça vient d'en crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si j't'ai poussé, money, pay me. Yo, Judas, précis comme le sable de Yakuza. Si tu manges, sweet, sweet, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Da da da. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, puis babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Da da da. Baby, je le tâle, vini. Da da da. Vini, vini, pas timide. Da da da. Drive all en bord, vini. Da da da. Chérie, nous sous ça. Campé, da da da. Family, family. Da da da. Cool, baby, elle, baby. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Da da da. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Da da da. Baby, je le temps fini. Da da da. Vini, vini, pas timide. Da da da. Drive all en bord, vini. Da da da. Chérie, nous sous ça. Campé, da da da. Family, family. Da da da. Sous ça, campé dans la dame. Baby, je l'éteins, vini. Da da da. Vini, vini, pas timide. Da da da. Drive all en bord, vini. Da da da. Chérie, nous sous ça, campé dans la dame. Pamele, pamele. Da da da. Pour le baby, elle, baby. Da da da. Pamele, pamele. Da da da. Chérie, nous sous ça, campé dans la dame.